les gros, c'est du GTA. On arrive abs à se comprendre, ma grosse. T'as pas le mental. Ok, on n'arrive plus à se comprendre. J'ai tout donné, il me reste qu'à prendre. Je suis rescapé, ressortir avec elle est un risque à prendre. Je la vois avec ses grands souliers, elle est sur les nerfs. Nos deux vies sont liées, gros, mais je suis souvent sous les dettes. Solidaire, putain, mais c'est trop dur d'aimer celle qu'on rencontre sur le net et qui squatte sur MSN. Dieu merci, c'est pas mon cas, j'aurais déjà quitté le tout. Toi, tu quittes le grand air pour une relation qui t'étouffe. Dans mon cœur, ça devient la sécheresse, même en temps de pluie. Je suis désolé, chérie, mais nos deux cœurs ne s'entendent plus. Tu vois, j'ai le mental ou bien j'essaie de le bâtir pour qu'une dispute sur deux, tu redeviennes pas. C'est célibataire, sans ton manque de drogue, pas ton string, contre un son qu'à l'ORS, t'as ta place ou assume toutes les séquelles. J'avoue des fois t'as raison, je viens, je confesse mon absence. De temps en temps, gros, ça fait du bien de crever l'abcès. Conserve tes distances en agissant avec douceur, car une fois sur deux lui, le papillon s'envole tout seul. Certains devant la rupture, mon gros, sont traumatisés. C'est de la gourmandise, et j'avoue, j'aime trop les trismer. Désolé, tendresse, je sais que t'aimes pas ce qu'il y a dans mes textes, mais je rappe pour mes babtous, Renoir et mes textes. Faut faire vraiment ses preuves si tu veux qu'on se fiance. Enlève ta surveillance et faut me faire plus confiance. Si on peut pas se comprendre souvent pour cause de libido, puis alcool et pédo, quel bidon, on te laisse à l'abandon. Les gens s'engagent et gueulent qu'on te bouge à dégage, prends des bagages, du coup je garde l'amour. Vu qu'on vit dans un dialogue de sous. Si on peut pas se comprendre souvent pour cause de libido, puis alcool et pédo, quel bidon, on te laisse à l'abandon. Les gens s'engagent et gueulent qu'on te bouge à dégage, prends des bagages, du coup je garde l'amour. Vu qu'on vit dans un dialogue de sous. On n'arrive pas à se comprendre, on fait que se marcher sur les pieds. Chez l'amour un peu j'essaie de me tenir que par tes pièges. Vous me ferez pas croire que les femmes sont meilleures, ça suffit, lit nos cœurs depuis quoi Nova est orphelin. Sans pouet faible, nos cœurs n'ont plus de bouche à bouche. J'ai de bombes dans les poumons, entre nous je t'assure. Y'a plus rien de beau, rien du doute, de la crainte que ne vienne me prendre une autre. J'ai ma queue indépendante qui monte en l'air comme un astronaute. On n'arrive pas, y'a plus de dialogue, malgré nos forfaits. J'suis abonné aux engueulades illimitées dans l'oreillette, chacun sa mère. J'suis pas au pied d'un cul avec les filles, j'suis pas châteux. Et même seule ma grosse, j'ai qu'à me toucher la teub. Je rappe comme je te parlerai, j'y comprends rien, ça malgré tout. Pour que chacun avance, voudrait mieux qu'on arrête tout. Et ouais, c'est dur, ma grosse, j'avoue. Tu voulais qu'on ne fasse qu'un. J'ai rien trouvé de mieux que te dire un salut mesquin. On n'arrive pas à se comprendre, tu voulais qu'on soit inséparable. J'ai brisé ton cœur, j'ai bien peur qu'il soit irréparable. Dans ta vie, je n'étais qu'un vulgaire touriste. J'ai pris mes bagages, la moitié de ton cœur et des broutilles. Entre nous c'était amour et haine en concubinage. Aide de ménage et malgré ça notre relation continue d'être sale. On n'arrive pas, y'a plus d'écoute dans notre vie de couple. Moi je te quitte avant qu'on ne se parle qu'avec des coups. Si on peut pas se comprendre souvent pour cause de libido, puis alcool et pédo, quel bidon, on te laisse à l'abandon. Les gens s'engagent et gueulent qu'on te bouge à dégage, prends des bagages, du coup je garde l'amour. Vu qu'on vit dans un dialogue de sous. Si on peut pas se comprendre souvent pour cause de libido, puis alcool et pédo, quel bidon, on te laisse à l'abandon. Les gens s'engagent et gueulent qu'on te bouge à dégage, prends des bagages, du coup je garde l'amour. Vu qu'on vit dans un dialogue de sous. Si on peut pas se comprendre souvent pour cause de libido, puis alcool et pédo, quel bidon, on te laisse à l'abandon. Les gens s'engagent et gueulent qu'on te bouge à dégage, prends des bagages, du coup je garde l'amour. Vu qu'on vit dans un dialogue de sous. Si on peut pas se comprendre souvent pour cause de libido, puis alcool et pédo, quel bidon, on te laisse à l'abandon. Les gens s'engagent et gueulent qu'on te couche à dégage, prends tes bagages, du coup je garde l'amour. Vu qu'on vit dans un dialogue de sourds.